tapait l'actualité sur mon poste de télévision. Qui peut gagner des milliards, les riches même s'ils en ont trop, mais qui va rester sur le trottoir, les pauvres et les clodos. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Oui, aussi jamais d'argent sur eux, non, c'est pas possible, ça. Je me lève et je me prends main, la main sur le cœur à l'ouvrage. Je fais la distribution des pains, des repas chauds et du potage. J'ouvre un resto à Manhattan, du cœur pour les sans-papiers. Je finis avec Goldman, à chanter comme un enfoiré. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. S'il vous plaît, monsieur, c'est pour qui des enfoirés? Oh, mais non, j'ai déjà suivi 2005 là, et 2006. Faut arrêter là, tous les ans, la merde. Ouais, mais c'est pas le même, hein. Oh. C'est le panard, je tire des meufs comme je veux. Dans mon bain j'ai un canard et une vache qui fait vœu. Champagne, coke et jet 27 sont devenus mes amis. Je me barre de la jet set, je n'ai plus ma place ici. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Oui, si j'avais. Faut arrêter là, c'est pas un métier ça, artiste là, vous déconnez. Ah, c'est quand même bien, hein. Je me retire à la campagne, dans une ferme très isolée. Je ne sais pas pourquoi je gagne face aux autres célébrités. Mes problèmes restent les mêmes, mes millions ont mille melons. Je reviens vers ce que j'aime, ma zapette et mon picon. J'ai fait tout ça pour rien, tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'on est bien. J'ai fait tout ça pour rien, pour rien. L'herbe est comme un gros con, en zappant l'actualité.